Deuxième partie, toujours dans une sorte d'anthropologie théorique, les conceptions implicites dans lesquelles baigne le concile. C'est-à-dire tout un héritage qui n'est pas remis en question, qui n'est pas non plus fondé, parce que les protestants, semble-t-il, ne l'avaient pas eux-mêmes mis en question. Premier point, l'homme est composé d'une âme et d'un corps. Ceci est évoqué comme allant de soi dans un canon sur le péché originel. Je vous cite, section 5, premier canon, « Totumque Adam, perillam prevaricationis obtensam, secondum corpus et animam, in deterius comutatur fuisi. » Par la faute d'Adam, l'homme est tombé dans une condition pire, aussi bien en ce qui concerne son corps qu'en ce qui concerne son âme. Le catéchisme, auquel maintenant je dois bien recourir, à propos du sacrement, lance comme ça aussi, au détour d'une phrase, « Quoniam vero anima corpori coniunta est » parce que, en vérité, l'âme est conjointe au corps. C'est sur ce point que le catéchisme se fait beaucoup plus explicite et parfois, pour nous, je dois dire, assez amusant. Quand il explique le troisième article du Credo, il a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Donc, s'agissant d'expliquer l'incarnation, le catéchisme, il distingue à la fois certaines choses qui sont au-dessus de l'ordre de la nature, supra naturae ordinaire, et d'autres qui sont réalisées selon la force de la nature, naturae vi effecta. Sont ex natura, normaux si on peut dire, le fait que le corps de Jésus-Christ soit formé du sang très pur de la Vierge Marie, car les corps de tous les hommes sont formés du sang de leur mère. Vous savez, jusqu'au XVIIIe siècle, on ignorait tout des conditions de la conception humaine. Et au contraire, noté comme supra-ordinaire naturé, le fait que dès que la Vierge fut acceptée, ce corps fut formé, alors que selon l'ordre de la nature, aucun corps, si ce n'est dans le temps prescrit, dans l'espace de temps prescrit, ne peut être informé par une âme d'homme. Mieux encore, dès que l'âme fut unie au corps, la divinité fut jointe à son corps et à son âme. Deuxième point, tout ce qui concerne les fins dernières. Et là, il faut revenir au concile, car dans ce domaine, le concile a eu à statuer sur le purgatoire. Dans la section 25, le décret sur le purgatoire était prévu depuis 1547, mais il a été traité seulement en 1560. C'est en fait une reprise du concile de Florence de 1439. Et en même temps, il est envisagé comme la suite logique des canons déjà adoptés en ce qui concerne le péché originel de justification. Il a donc été vite expédié. Et que dit-on du purgatoire, c'est un lieu, il n'y a pas le mot locus, mais vous trouverez animas ibi detandas. Les âmes donc sont détenues quelque part, et là il y a la possibilité de les secourir. Mais le concile, et je viendrai, dit que sur ce point, il faut prêcher sans entrer dans les subtilités auprès du peuple rude, en évitant tout ce qui ne porte pas à la piété, mais sert seulement à satisfaire curiosité et superstition. vient ensuite le commentaire du 7e article du Credo, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Il faut attendre la venue de Dieu, mais les curés doivent expliquer qu'il y a deux temps dans l'au-delà, deux temps où chacun paraîtra en présence de Dieu. Le premier, c'est juste après la mort, devant le tribunal, le jugement privé particulier. Le second, c'est le jugement général. Et le catéchisme se donne du mal pour expliquer pourquoi il faut encore néanmoins un jugement général, alors que le sort est déjà fixé. C'est pour punir et récompenser publiquement les œuvres de chacun, et c'est aussi en relation avec la résurrection du corps, sur laquelle d'ailleurs le catéchisme revient un petit peu plus tard à propos du 11e article du Credo, la résurrection de la chair. Sur ce point aussi, le premier effort du catéchisme, c'est d'expliquer, nous en pensons ce que nous voulons, que résurrection de la chair, ça veut bien dire résurrection des corps. Ça veut dire résurrection des corps. Malgré tout ce que le catéchisme n'ignore pas, le sens biblique peut avoir le mot chair. Résurrection des corps, immortel, l'immortalité de l'âme, ça va de soi. On ne fait même pas au catéchisme de référence à la 35 qui, lui, avait pris la peine de la définir contre Pomponazzi. Et à ce sujet, donc, on nous explique qu'il faut associer le corps à la récompense comme au châtiment de l'homme, de l'âme, car dit le catéchisme, les hommes ne peuvent pas, aussi longtemps que l'âme est séparée du corps, jouir d'un plein bonheur et être comblé de tous les biens. Troisième point, la distinction entre homme et femme. La doctrine du Concile de Trente est parfaitement asexuée. Elle concerne homme et jamais ni vire ni mouillé. Il y a cependant, de fait, un principe d'égalité fondamental, notamment à propos du mariage, puisque le mariage, selon le Concile de Trente, est fondé sur le consentement mutuel des époux, et on ne dit pas que le consentement de l'homme, par exemple, soit prévalent sur le consentement de la femme, consentement mutuel. Néanmoins, le même Concile traite assez souvent la femme comme un être inférieur, en ce quoi il n'est d'ailleurs que le reflet de son époque. J'ai noté par exemple, et je pense que ce n'est peut-être pas complet, qu'à propos du baptême d'urgence, c'est dans le catéchisme, et non pas dans le Concile. À propos du baptême d'urgence, on nous rappelle que le ministre peut en être, à défaut d'un prêtre ou d'un diacre, toute personne, même du peuple chrétien, c'est-à-dire à l'évêque, soit homme, soit femme. Mais pour ajouter aussitôt qu'il y a un ordre à garder, on ne demandera pas de baptiser à une femme s'il y a un homme disponible, même dans le cas des sages-femmes. On ne demandera pas à un laïc s'il y a un prêtre, un clerc, on ne demandera pas à un clerc s'il y a un prêtre. Bien connues aussi les règles concernant les religieuses, et en particulier la clôture des religieuses, qui sont beaucoup plus strictes pour ces femmes que pour les hommes, et des femmes que l'on met entièrement sous le gouvernement des évêques. J'en viens maintenant à une troisième partie que j'appellerai l'anthropologie pratique d'une église, pour prendre une expression beaucoup plus tardive, d'une église experte en humanité. Premier point, l'homme et le sacré. Vous avez vu, entendu plutôt dans ce décret sur le purgatoire, qui est décidément très riche de contenu humain. Dans ce décret sur le purgatoire, on met en garde contre la curiosité, contre la superstition, qui n'est pas définie. La superstition, comme l'a dit un professeur français, Thabneau, c'est la religion des autres. Donc, la piété, l'édification contre la curiosité et la superstition. Premier. Deuxième aspect à propos de l'homme et le sacré, c'est ce qui ressort du débat qui fut écourté sur la manière de célébrer la messe. Débat écourté parce que est arrivée là-dessus la question de la communion sous les deux espèces, elle a tout envahi, on ne peut penser qu'à ça. Auparavant, on avait débattu pour savoir s'il était obligatoire de dire la messe non seulement en latin, mais aussi de prononcer à voix basse les prières de la consécration. Et les décrets préliminaires, argumentent sur ce point en disant qu'il est indispensable de garder le latin et de dire ses prières à voix basse, traduisons en clair, que ce soit incompréhensible et inaudible par l'assistance, de façon à garder le mystère de la messe. Donc, dans ces rapports de l'homme et du sacré, le sacré est fondé sur l'incompréhension. Troisième aspect, positif cette fois si vous voulez, le Concile a reconnu la signification et l'utilité des beaux-arts, des arts humains, au service de la religion. Que ce soit pour le décor de la liturgie, dans la session 25, ou que ce soit de façon plus réservée en ce qui concerne la musique et les images, et que ce soit pour la musique dans le décret sur la célébration de la messe. Là, le conseil est plus réservé et banni de musique trop sensuelle. Deuxième point, l'instruction chrétienne. Le Concile est peut-être, sous réserve d'inventaire, le premier document, enfin au moins à cette échelle, dans l'Église catholique qui a employé l'expression « ce qu'il est nécessaire de savoir pour être sauvé ». C'est dans la session 5 des réformations. « Ce qu'il est nécessaire de savoir, donc il est nécessaire pour être sauvé » de posséder un savoir. Donc, le Concile, donc préoccupé de l'instruction des chrétiens, entend faire expliquer les sacrements. C'est dit et redit. Il faut expliquer les sacrements. Il faut expliquer la messe. Le même décret qui disait que la messe devait être célébrée en latin, dit également que les curés et autres responsables devront l'expliquer soigneusement aux fidèles. La conséquence, bien sûr, de cette volonté d'instruction chrétienne, c'est le catéchisme de Saint-Paul, c'est pas la peine de développer. Le Concile veut un catéchisme, mais c'est un catéchisme pour les curés afin qu'à leur tour, il l'explique aux fidèles. Il faut enseigner les fidèles. par la prédication, par le don et par tous les moyens. Il faut enseigner les enfants. Il faut apprendre aux enfants les rudiments de la foi, je cite, parce qu'on ne cite jamais tout inexactement. Il faut enseigner aux enfants les rudiments de la foi et l'obéissance envers Dieu et leur parole. À vous de juger si l'expression que j'ai entendue récemment dans un colloque disant que ce décret ordonnait d'enseigner les rudiments de la foi et la morale, si cette expression traduit bien les rudiments de la foi et l'obéissance envers Dieu et les parents. À noter aussi cette prise de conscience autour d'un décret célèbre du Concile, prise de conscience d'un état d'adolescence. Ça, historiquement, c'est assez daté. Le Concile n'est sans doute pas le premier à avoir parlé d'adolescence, ou d'adolescentia etas, etc. Parce que je pense qu'auparavant, les humanistes, tous les pédagogues humanistes étaient passés là, tous les fondateurs du collège humaniste. Mais l'idée qu'il y a entre l'enfance et l'âge adulte, une période fragile, vulnérable, qui est la adolescentia, le Concile l'a su et l'a su. Troisième aspect, la morale. Comme je l'ai dit, la distinction entre péché mortel et péché véniel, le Concile ne s'en explique jamais, ça va de soi. Elle est jetée comme une évidence, notamment section 6, canon 23-25. D'autre part, le Concile de Trente ne s'est guère avancé dans la morale pratique. À la différence du catéchisme, le catéchisme commente les uns et les autres les commandements de Dieu. Et on y trouve des choses qui ne sont pas sans intérêt à lire, même aujourd'hui, en particulier quand à propos du septième commandement, tu ne voleras pas, il rappelle que c'est du vol de ne pas payer ses oubliés et c'est du vol de ne pas payer ses impôts. Donc, mais du côté du Concile de Trente, rien de tel. Alphonse Dupont s'étonne dans le passage que je citais, s'étonne qu'à une époque de grand développement du capitalisme, le Concile semble passer totalement à côté. Le Concile ne dit rien en ce qui concerne la politique, la morale politique, rien sur la guerre. Et pourtant, Dieu sait, si les pères conciliaires avaient eu à affronter la guerre sous toutes ses formes, il y a en revanche un décret spécifique contre le duel, qui n'a pas suffi d'ailleurs. Pendant encore tout un siècle, on a continué à pratiquer le duel dans l'aristocratie européenne. J'en viens donc maintenant à une conclusion. Le Concile de Trente, donc, est l'humanisme, reprenons cette expression. Le Concile de Trente a assurément répudié l'humanisme prométhéen de la Renaissance, celui qui tendait à faire de l'homme un égal de Dieu. Il a également répudié le pélagianisme qui permettait, qui voyait dans l'homme une capacité à accéder à Dieu et à la justification aux yeux de Dieu par ses propres œuvres. Je caricature peut-être. Mais dans la ligne d'Erasme et surtout d'Ignace de Loyola, il a fait prévaloir, je le répète, une conception optimiste et dynamique de l'homme, au risque d'ailleurs de conduire à un certain moralisme. Et ce risque, 150 ans plus tard, le catholicisme y tombait totalement, ou quasiment totalement. Il reprend, sans mettre en question, l'anthropologie dualiste de l'âme et du corps, de l'âme immortelle, du corps périssable, les premiers à la résurrection, au risque d'encourager un dualisme moral vaguement platonicien dans lequel l'âme est le principe du bien, prisonnière du corps, qui lui, au contraire, est la cause du péché et entraîne, je dirais, le navire et son équipage jusqu'en enfer. Conserve encore de l'humanisme ce concile le souci éducatif. Souci éducatif vis-à-vis de l'homme et de la femme, souci éducatif vis-à-vis de l'enfant et de l'adolescent. Mais dans une perspective paternaliste et cléricale, et trop bien dit. Finalement, nous avons quelques difficultés bien mesurées, l'effet de l'anthropologie tridentine, tellement elle s'est imposée, tellement elle a imprégné tout le catholicisme jusqu'au XXe siècle, et peut-être même plus largement la conscience occidentale. Alors maintenant, si nous nous posons la question, dans la perspective du troisième millénaire, puisque c'est celle de notre colloque, que faut-il conserver de l'œuvre ou de la pensée anthropologique du Concile de Trente? Je répondrai que, littéralement, à peu près rien. Tout au plus, une certaine confiance en l'homme et ça compte, un sens très vif de la relation de l'homme avec Dieu. Je vous remercie. Ringrazio il professor Penard per questo quadro così vivace e sintetico e suscettibile di tante riflessioni che ci ha dato sull'antropologia del Concilio di Trento.